Donc bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver encore nombreux et nombreuses ce soir. Donc la séance d'aujourd'hui fait partie d'une série que nous entamons donc aujourd'hui, que nous inaugurons, une série de 3 séances qui seront consacrées à des études de cas, des exemples de mobilisation politique dans lesquelles des collectifs vidéo se sont fortement impliqués. La deuxième séance après celle d'aujourd'hui portera sur les usages de la vidéo dans les luttes féministes. Elle se tiendra le 22 avril. On la réannoncera tout à l'heure, évidemment. Et le 13 mai, une autre séance sera consacrée au rapport entre vidéo et mouvements écologiques naissants, à savoir les mouvements antinucléaires et dans le Larzac. Mais celle d'aujourd'hui va être consacrée au conflit LIP de 1973 et 1976, emblématique des grèves ouvrières des années 1970. Et il importe de souligner immédiatement le fait que, bien sûr, il ne s'agira pas ici d'être exhaustif ou exhaustive. Nous n'allons pas faire le tour de la question LIP et de ses mises en image. Il s'agit davantage d'une étape préparatoire à un colloque, donc, que nous vous annonçons tout de suite, même si la date précise n'est pas encore fixée, et qui se tiendra en novembre toutefois autour de la thématique des images de LIP filmées, créées pendant les luttes et aussi autour des réemplois. Donc c'est images de LIP, création en lutte. Donc évidemment, on vous donnera les informations le moment venu, et ce sera l'occasion d'inviter des cinéastes et des vidéastes, des militants et des militantes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, faute de disponibilité et aussi, bien sûr, faute de temps. Et bien sûr, des chercheurs et des chercheuses seront également présents et présentes dans ce colloque. Donc ces conflits LIP ont été abondamment filmés. On a commencé à établir, surtout Sébastien, une très vaste filmographie déjà autour de cette thématique. Et pour la séance d'aujourd'hui, l'enjeu était avant tout de mettre en évidence des dispositifs originaux que la vidéo a expérimentés durant les conflits LIP, notamment dans la popularisation du mouvement de lutte, donc aux côtés des tracts, des affiches, du journal LIP Unité, des chansons et bien sûr des manifestations, mais aussi des dispositifs originaux, donc expérimentés dans des prises de parole plurielles, dont les films finalement restituent cette diversité, puisque on y reviendra, il y a finalement, Franck Georgi le développera, essentiellement quand même 3 positions qui ne sont pas exactement identiques, même si il y a évidemment une optique unitaire, donc les engagements de la CFDT, de la CGT et du comité d'action. Et il nous semble que dans ce contexte des années 70 à LIP, il y a eu aussi par la vidéo une expérimentation des relations entre filmeurs et filmés, puisque ces images ont été utilisées à des fins de discussion et de réflexion collective au cœur même des luttes. On aura l'occasion d'en parler, surtout en fin de séance, à travers le dispositif mis en place par le groupe Vidéo Out, dont malheureusement aujourd'hui, il n'y aura pas de représentants ou de représentantes. Mais outre cette question des dispositifs originaux donc, que la vidéo a expérimenté, nous souhaitions, il nous apparaissait absolument nécessaire et en particulier suite à la dernière séance et à des réflexions formulées notamment par Gildine Matin, de mettre en perspective, et par Alain Aubert aussi, de mettre en perspective les pratiques militantes vidéo et argentique, et en particulier 16 mm. Donc nos invités aujourd'hui sont évidemment le reflet, si j'ose dire, de cette démarche. Donc je vais vous présenter. Donc nous entendrons tout d'abord Franck Georgi, pour la première fois, donc, nous invitons un historien. Donc, Franck est maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et il est spécialiste de l'histoire du syndicalisme, des mouvements sociaux, des socialismes, des gauches alternatives et en particulier, ça va vraiment nous intéresser pour LIP, évidemment de l'histoire de l'autogestion. Dominique Dubosc, donc à sa gauche, cinéaste, réalisateur notamment, et vous me corrigerez évidemment chacun si je fais des erreurs dans vos présentations, bien entendu. Donc de LIP 73-74, Le goût du collectif, qui a été retravaillé, remonté sous une autre forme, donc sous le titre L'affaire LIP en 1997. Et notre troisième invitée, Anne-Marie Martin, donc à la droite de Franck, qui est déjà venue, donc vous connaissez peut-être déjà, puisque tu étais présente le 14 janvier pour évoquer le collectif ADP, Association Diffusion Populaire. Et tu es venue accompagnée à ta droite de Catherine Souchier, cofondatrice donc d'ADP également. Alors je signale tout de suite que malheureusement Dominique Barbier, donc, qui est monteuse et réalisatrice, qui est une membre éminente des Cahiers de Mai, n'est-ce pas, devrait nous rejoindre, mais hélas très tardivement, probablement simplement vers 19h30, mais ce sera déjà un moment important qui pourra ainsi être consacré à un temps de discussion avec elle. Et puis enfin, je précise aussi que malheureusement Monique Piton, célèbre figure des conflits LIP, initialement prévue, ne pouvait pas finalement se joindre à nous ce soir car elle vient de subir une opération, mais tout va bien. Mais elle n'était pas encore en mesure de se déplacer, mais on compte bien sur sa présence évidemment aussi au colloque de novembre prochain.